Le 25 juin, Michael est mort. Je prends ma veste et puis je sors. Parfumé de la tête aux pieds, une belle brune je vais croiser. Quelle est belle, cette belle brune m'ensorcelle. Quelle est belle, ces petites lettres qui m'aimeraient. Quelle est belle, oh non, cette belle brune m'ensorcelle. Quelle est belle, ces petites lettres qui m'aimeraient. D'un regard suivi d'un geste, je sors mon cœur de ma veste. Et quelques paroles échangées, de suite je lui vole un baiser. Quelle est belle, cette belle brune m'ensorcelle. Quelle est belle, ces petites lettres qui m'aimeraient. Quelle est belle, ou non, cette belle brune m'ensorcelle. Quelle est belle, ces petites lettres qui m'aimeraient. Un vent latin souffle dans mon cœur, je rêve d'elle jusqu'à 13 heures. En espérant que nuit se couche, pour retrouver le goût de sa bouche. Quelle est belle, cette belle brune m'ensorcelle. Quelle est belle, ces petites lettres qui m'aimeraient. Quelle est belle, ou non, cette belle brune m'ensorcelle. Quelle est belle, oh, quelle est belle. Appuyez au comptoir, je bois un verre pour ne plus y croire. Et chaque matin à mon réveil, ce sont ses yeux, mon petit soleil. Quelle est belle, cette belle brune m'ensorcelle. Quelle est belle, ces petites lettres qui m'émerveillent. Quelle est belle, cette belle brune m'ensorcelle. Quelle est belle, ces petites lettres qui m'émerveillent. Quelle est belle, ou non, cette belle brune m'ensorcelle. Quelle est belle, ou non, ces petites lettres qui m'émerveillent. Quelle est belle, ou non, cette belle brune m'ensorcelle. Quelle est belle, ou non, ces petites lettres qui m'émerveillent. Quelle est belle.